Tel le numéro télévisuel, mon télé sont les poubelles. Tel le numéro télévisuel, tel le numéro télévisuel, tel le numéro télévisuel. Tel le numéro télévisuel, mon télé sont les poubelles. Tel le numéro télévisuel, tel le numéro télévisuel, tel le numéro télévisuel. Tel le numéro télévisuel, mon télé sont les poubelles. Ma demain, demain, demain, n'avoir aucune histoire. Et elle pleure pendant des heures. Charmant n'est pas venu, pourtant elle l'a attendu déçu. Et elle pleure pendant des heures. Du coup elle s'est mise à boire pour noyer son désespoir. Beaucoup de taquet de rhum dans ses verres. Beaucoup de taquet de rhum, beaucoup de taquet de rhum. Beaucoup de taquet de rhum dans ses verres. Beaucoup de taquet de rhum, beaucoup de taquet de rhum. C'est la vie qui va, qui vient. Oh, c'est la douce mélodie du destin. Oh, c'est la vie qui va, qui vient. Oh, c'est la douce mélodie du destin. Shake it bam bam, shake it bam bam, shake it bam. Oh, oh, oh, oh, oh. Shake it bam bam, shake it bam bam, shake it bam, shake it boogie boogie boogie boogie boogie boogie boogie. Shake it bam bam, shake it bam bam, shake it bam. Oh, oh, oh, oh, oh. Shake it bam bam, shake it bam bam, shake it bam, shake it boogie boogie boogie boogie boogie bam. Tel le numéro télévisuel, mon télé sans les poubelles. Tel le numéro télévisuel, tel le numéro télévisuel, tel le numéro télévisuel. Ça va beaucoup mieux à présent. Elle a rencontré un homme charmant. Elle rêve déjà de plein d'enfants, mais lui il tourne comme le vent. L'amant plaisant la laisse à présent. Une autre femme dans son lit, c'est comme ça qu'elle l'a appris. L'amant plaisant la laisse à présent. Pas de passé, plus de présent. Quel va être son futur maintenant? Beaucoup de coquelero dans ses veines. Beaucoup de coquelero, beaucoup de coquelero. Beaucoup de coquelero dans ses veines. Beaucoup de coquelero, beaucoup de coquelero. Oh, c'est la vie qui va, qui vient. Oh, c'est la douce mélodie du destin. Shake it bam bam, shake it bam bam, shake it bam. Oh oh oh oh oh. Shake it bam bam, shake it bam bam, shake it bam. Shake it boogie boogie boogie boogie boogie boogie. Shake it bam bam, shake it bam bam, shake it bam. Oh oh oh oh oh. Shake it bam bam, shake it bam bam, shake it bam. Shake it boogie boogie boogie boogie boogie bam. Tel le numéro télévisuel, mon télé sans les poubelles. Tel le numéro télévisuel, tel le numéro télévisuel, tel le numéro télévisuel. Tel le numéro télévisuel, mon télé sans les poubelles. Tel le numéro télévisuel, tel le numéro télévisuel, tel le numéro télévisuel. Les yeux ouverts, elle regarde. Les yeux ouverts, elle regarde. Le sol s'approche peu à peu. Ça va être fatal, elle regarde. Ça va être fatal, elle regarde. Sa mort s'approcher peu à peu. Oh, c'est la vie qui va, qui vient. Oh, c'est la douce mélodie du destin. Oh, c'est la vie qui va, qui vient. Oh, c'est la douce mélodie du destin. Shake it bam bam, shake it bam bam, shake it bam. Oh, oh, oh, oh. Shake it bam bam, shake it bam bam, shake it bam, shake it boogie de boogie de boogie de boogie de boogie de bye. Shake it bam bam, shake it bam bam, shake it bam. Whoa whoa whoa whoa. Shake it bam bam, shake it bam bam, shake it bam, shake it boogie de boogie de boogie de boogie de boogie de bye. Bam bam, shake it bam, shake it bam bam, shake it bam bam, bam bam bam bam, shake it bam bam, shake it boogie de boogie de boogie de boogie de bang bam. Shake it bam bam, shake it bam bam, shake it bam bam, shake it boogie de boogie de boogie de boogie de bang bam. shake it a bum, shake it a bum, shake it a bum, bum.